Kugira. Et la mise en onde est assurée par Pitas Ndayishimiye. C'est la radio Isanganiro que vous écoutez maintenant depuis Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée du 26 février 2019. D'abord, l'essentiel des titres. Le parti Prona dit être prêt à accueillir ses anciens membres. Le président de ce parti, Abel Gachati, que vous allez entendre tout à l'heure, le dit après que ses politiciens aient déclaré que leur avenir politique se trouve dans le parti Uprona. Et 3000 prisonniers seront bientôt libérés par grâce présidentielle cette année, annonce faite ce mardi par Aimé Laurentine Kayana et les ministres de la Justice et lors d'un atelier d'information sur la mise en exécution de grâce présidentielle. Et les enseignants concepteurs de manuels scolaires en France Guitéga réclament leur rémunération pour le travail réalisé. Mais du côté du bureau de développement des compétences et techniques, l'on ne veut pas s'exprimer. Et on vous fera également part de la chronique santé. Aujourd'hui, on va vous parler de la chronique jaunisse. Encore une fois, bien. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, les portes sont ouvertes pour toute personne qui fut membre du parti Uprona et qui désire regagner le bercail au sein du parti comme l'ont déjà fait plusieurs Badasigana. C'est ce qu'affirme le président du parti d'Oguagasere qui fait savoir que les organes qui dirigent le parti sont conformes aux arrêts rendus par la justice en 2012 en ce qui concerne l'organisation du dit parti. Quant à la question de savoir si ce parti ne serait pas à la solde du parti au pouvoir, Abel Gachati dément et fait savoir que toute personne désireuse d'intégrer le parti doit se ranger à l'objectif des élections de 2020 suivies. J'invite même ces gens-là de rejoindre les autres, de participer activement avec les autres. Et ici, à l'Uprona, les portes sont ouvertes pour les recevoir. D'ailleurs, nous sommes en train de recevoir même d'autres en provenance d'autres formations politiques. Donc, rien ne peut empêcher de les recevoir. Sinon, on est en marche, on se prépare déjà aux élections. Et ces gens-là, le problème est qu'ils restent dans la coalition Amizero Barundi. Et vous vous souvenez très bien, parmi eux, il y a ceux qui siègent même à l'Assemblée nationale au nom de cette coalition. Mais on ne peut pas accepter quelqu'un qui se réclame de l'Uprona alors qu'il ne travaille pas pour l'Uprona. Il ne verse pas aucune cotisation, il ne participe pas dans les descentes organisées par le parti Uprona. Ils sont presque absents au parti Uprona pendant à peu près 10 ans. Votre parti serait en train de fonctionner sous le regard d'un autre parti. Qu'en dites-vous? Et le parti Uprona, c'est un parti fort, c'est un parti indépendant, c'est un parti qui organise ses propres activités. Donc, c'est là aime brandir que le parti Uprona est sous le dos du CNDD-FDD, c'est pas correct. L'Uprona, c'est un parti qui est visible sur terre, qui est visible sur tout le territoire national. C'est un parti d'ailleurs qui se prépare pour battre le CNDD-FDD lors des élections prochaines en 2020. Les arrêts rendus ont été bel et bien mis en application. C'était en 2012, mais par après, on a organisé les états généraux. Et après les états généraux, il y a eu organisation du congrès national du parti Uprona qui a porté à la tête de ce parti moi-même avec mon équipe pour dire que ce qui a été demandé par le ministre de l'Intérieur a été exécuté. Donc, je pense que ces gens-là qui disent qu'ils attendent de regagner le parti Uprona à travers ces arrêts, je pense que, comme je l'ai déjà dit, ils sont à côté plutôt. Parmi eux, il y a d'autres Badasigana qui, en 2015, étaient dans la coalition Abinziara-Barundi, qui aujourd'hui sont avec les autres en train de travailler pour préparer les élections de 2020. Abel Gachati, il est président du parti Uprona, qui était au micro de notre confrère Charles Makoto. De la capitale économique à la capitale politique, certains enseignants de la province Guitéga des écoles techniques post-fondamentales étant parmi les concepteurs de nouveaux manuels de ces écoles techniques réclament une somme comprise entre 1 million et 3 millions chacun correspondant à ce travail durant l'an 2018. Ils demandent d'être payés afin de rembourser les dettes contractées étant donné que ce travail a été réalisé en mairie de Bujumbura. Ces réclamations sont adressées auprès du bureau de développement des compétences techniques dont le directeur ne veut pas s'exprimer, Arthur Kapaouchi. Ces enseignants des écoles techniques post-fondamentales sont partis dans cette activité venant de toutes les provinces du pays et étaient au nombre de 110. Ils devraient alors concevoir de nouveaux manuels dans tous les cours, à raison d'un manuel pour élèves et un guide du professeur, où ils devraient percevoir 900 000 francs bout pour les deux manuels et par professeur. Ces enseignants disaient qu'ils ont commencé ce travail au mois de février 2018 et ils ont interrompu puis au mois de janvier 2019, après avoir reçu chacun 450 000 francs bout, correspondant à 15 jours de travail, et après une promesse qu'ils recevront le reste de l'argent dans les prochains jours, mais selon eux, l'attente devient longue. Selon ces enseignants, il y en a qui réclament 1 million parce qu'ils ont travaillé peu de temps et d'autres 3 400 000 francs bout par la direction du bureau de développement et des compétences techniques. Ils demandent d'être payés afin de rembourser les dettes contractées étant donné que ce travail se faisait en mairie de Bujumbura, loin de leur famille et pendant une longue durée. Nous avons cherché à joindre par téléphone le directeur du bureau de développement et des compétences techniques au niveau national, mais il n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi, droit de l'homme à présent. Mais avant de passer au droit de l'homme, juste à côté, Arthur est le propriétaire de kiosque en bois construit au centre de négoce de la zone et commune Wuhiga, en province Karusi, sont appelés à leur démolition dans les plus brefs délais. Cela concerne aussi les constructions faites près de la route nationale 12 non conforme à la loi. Les constructions ont été déjà identifiées et marquées. Une activité a été réalisée ce lundi par les responsables de la province et de la commune Wuhiga en collaboration avec le chef d'antenne provinciale de l'urbanisme. Ils expliquent que c'est pour prévenir des accidents, incendies et préserver la salubrité publique. Et nous allons revenir sur cet élément dans nos éditions ultérieures. Après une courte pause, on va passer en page droit de l'enfant. Isanganiro, la radio de l'avenir. Droit de l'enfant à 13h06. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur en live sur la page Facebook. Il suffit d'écrire Isanganiro au Burundi. Et le phénomène des enfants mendiants s'observe de nouveau dans la capitale économique Bujumbura. Pendant la nuit, ils apparaissent devant les magasins et bistrots se trouvant dans les différentes rues de cette capitale. Ces mineurs déplorent le fait de les retourner dans leur famille minée par la pauvreté sans aucune assistance pour leur survie. Les précisions avec Moïse Misako. Il est 21h sur le boulevard d'Oliprona au centre-ville de Bujumbura devant la boîte d'ONU Cristal. Ces enfants de la rue sont en attente des âmes charitables. La plupart d'entre eux ont l'âge compris entre 10 et 15 ans. Certains portent des habits déchirés, d'autres sont à moitié nus. Ceux qui se sont exprimés à nos micros avouent qu'ils proviennent des zones périphériques de la capitale économique Bujumbura. Ce mineur qui vient de Kinahama dit que ses parents se sont séparés et qu'il a opté le chemin de la rue. Je ne peux pas aller vivre dans la famille pour éviter des problèmes. Ton père peut avoir une femme et cette dernière vous déteste. C'est mon cas. Je suis rentré chez mon père et puis je l'ai trouvé avec une autre femme. Celle-ci m'a chassé et moi, j'ai décidé de venir ici dans la rue. Ces enfants n'ont pas de domicile fixe. Ils dorment là où ils trouvent hospitalité, tantôt dans les sacs, tantôt sur les vieux cartons. Ce petit enfant, originaire du quartier Ousoro de la zone Kanyosha, dit que des fois, la police les rafle pendant les heures avancées de la nuit. Vers 3h du matin, lorsque nous dormons, on est surpris par la police qui nous arrête. Et parfois c'est catastrophique, on voit des enfants de 10 ans qui sont mis au cachot. Ils ont faim, on ne leur donne rien à manger, on ne les relâche qu'une fois évanouis. On tombe malade, mais pas fréquemment grâce à Dieu. Notre vie est juste protégée par la main de Dieu. Ces mineurs déplorent le fait qu'ils sont retournés dans leur famille sans aucune assistance pour leur survie, alors que leurs familles sont pauvres. Cet enfant souhaite qu'il soit assisté afin qu'il regagne le banc de l'école. On nous prend et on nous ramène dans nos familles, c'est vrai. Mais ils ne nous sont d'aucune aide. Ils ne nous donnent même pas de cahier pour que nous retournions à l'école. Ils ne comprennent pas. Ils nous laissent chefler de la zone, tout simplement. Et nous, nous revenons ici en ville. Moi, j'ai ma grand-mère. Ils peuvent m'offrir des cahiers et tout le matériel dont j'ai besoin pour que je retourne à l'école et que je puisse préparer mon avenir. Ces enfants en situation de la rue déplorent adopter des mauvais comportements. Certains s'adonnent au jeu du hasard et d'autres prennent des stupéfiants. La situation est ainsi au moment où l'année 2018, le gouvernement burundais avait pris la décision de faire retourner ces enfants dans leur famille. Merci Moïse et Misiago, toujours à mairie de Bujumbura, des trous non couverts ainsi que des pierres entassées, sont observés sur l'avenue de l'Amitié au centre-ville de Bujumbura. Les personnes qui exercent leurs activités disent éprouver des difficultés quand la pluie tombe et demandent à la régie des eaux qui seront, elle, à creuser ces trous lors de réparation des pannes électriques, de réhabiliter la partie endommagée. Reportage signé Odette Abdialimana, qui est stagiaire à la radio Isanganiro. Nous sommes sur l'avenue de l'Amitié au centre-ville Bujumbura. Au début de cette avenue, tout près du bâtiment 2000, on remarque des tas de pierres à pavés que la régie des eaux a enlevées lors des remplacements des fils électriques. À quelques mètres de là, il y a une maison commerciale de Linette. Devant elle, on y voit aussi ces pierres à pavés ainsi que des trous creusés non couverts. Sur cet même endroit, côté gauche de la rue, ces trous sont remarquables ainsi que des fils électriques qui ne sont pas bien entretenus. La situation reste la même devant la banque BBCI. Certaines personnes qui exercent leurs fonctions sur cette avenue disent être en disposition de boulot lorsque la pluie tombe. Comme vous le voyez, il y a de la boue. Lorsque la pluie tombe, les clients ne peuvent pas venir comme il faut. C'est vraiment déplorable. Au centre-ville, devant une maison commerciale comme celle-ci. Quand la pluie tombe, la boue entre dans notre maison. Nous ne cessons pas de torchonner. Les trous creusés n'ont pas été bien réhabilités. C'est-à-dire que cette partie va s'effondrer au fur et à mesure. Les propriétaires des magasins devant lesquels ces pierres à pavés ont été enlevées demandent à la régie des eaux de réhabiliter les espaces abîmés lors de leurs travaux. Merci Odette Avialimana et les stagiaires à la radio Isanganiro. Au niveau de la Direction Générale de l'Eau et de l'Électricité, on indique qu'il s'agit de la défaillance des équipes déployées sur place qui négligent ou oublient de les réhabiliter. La direction admet que cette tâche leur revient et que la même défaillance se réalise quelquefois lors du remplacement des tuyaux, indiquant que la réhabilitation intervient chaque fois que cela est constaté. Et en page santé, un enfant atteint du VIH-SIDA doit être traité et bien encadré pour qu'il puisse arriver à comprendre son état sérologique. Le psychologue Fabrice Nikouze de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du SIDA NSS fait toutefois savoir que la question du VIH nécessite beaucoup de planification s'il faut l'aborder. Avec les enfants, une dizaine d'enfants est actuellement logée par la NSS dans un quartier de la capitale Bujumbura dans le but d'assurer leur survie. Francine Ndihokubgaye pour plus de détails. Ils sont à 14 enfants logés au quartier Rohiro de la capitale Bujumbura. Ils sont tous séropositifs et pris en charge par la NSS, Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida. Leur maison est dénommée Maison de la Joie. Ils s'amusent ensemble et s'occupent par diverses activités. Notre visite s'effectue un soir après les heures de classe. Le plus jeune des enfants est âgé de 2 ans et demi et le plus âgé a 18 ans. L'équipe du service social de la NSS est sur les lieux pour une activité de groupe de parole. Tout le monde participe et semble intéressé. Nous nous sommes entretenus avec l'encadreuse de ces enfants, Gorette Mouimondo, et doit veiller à ce que tous ces enfants prennent les médicaments à temps? Tout le monde ici est sous traitement matin et soir. Il faut connaître l'heure de prendre les médicaments de chaque enfant pour être disponible. Il arrive que les enfants se lassent de la prise des médicaments puis n'avalent pas. Nous devons être à leur côté et classer les médicaments par nom afin de faciliter celui qui va les servir. C'est la satisfaction du côté de ces enfants pris en charge par la NSS. Ils sont bien encadrés et apprennent à vivre en harmonie avec les autres. Nous vivons avec d'autres enfants, nous sommes dans la même situation. Nous sommes satisfaits, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ici, nous bénéficions des enseignements pour comprendre notre vie. Quand l'heure de prise de médicaments sonne, nous nous rappelons l'un à l'autre pour les prendre à temps, pour avoir une bonne santé et s'entraider. Lorsqu'on ne prend pas correctement les médicaments, on devient maladif. 18h moins quelques minutes, tous les enfants qui prennent les médicaments à 18h se précipitent avec un gobelet plein d'eau pour ne pas rater le rendez-vous. La séance de la journée se clôture à 7h même. Nous nous approchons alors du psychologue Fabrice Nikudze qui nous parle de la stratégie utilisée pour éduquer ses enfants en matière du VIH. On essaie de mettre les enfants dans différentes catégories, dans des groupes variés en fonction de leur âge et en fonction de leur niveau de compréhension. Et on trouve que les enfants à leur niveau, ils comprennent. Par exemple, les enfants de 7 à 10 ans, on les met ensemble, on essaie d'expliquer qu'ils prennent le traitement parce qu'ils ont le microbe dans leur sang. Et quand on explique comme ça, ils comprennent. Et quand on explique l'importance du traitement, on leur explique que le traitement va faire endormir le microbe. Ils comprennent facilement. Et avec le temps, avant qu'ils n'atteignent l'âge de 12 ans, l'enfant doit être informé que le microbe s'appelle le VIH. Ah, bien sûr, avec d'autres explications complémentaires, en essayant d'expliquer ce que c'est le VIH, ce que c'est le sida, les mesures d'observance et d'autres questions auxquelles nous devons apporter des éléments de réponse. Selon toujours ce psychologue, ces enfants trouvent d'autres opportunités de rencontrer les autres groupes de la communauté. Avec les témoignages, ils retrouvent l'estime de soi et dès que leur santé s'améliore, ces enfants sont confiés à des familles d'accueil. Merci Francine Ndekougoua. Avant de passer à la chronique, quelques brefs. 3000 prisonniers vont bénéficier de la grâce présidentielle au cours de l'année 2019 qui concerne la libération des prisonniers condamnés à des peines inférieures ou égales à 5 ans du chef de toutes les infractions à l'exception des crimes comme le génocide. C'est une annonce du ministre de la Justice et dans un atelier organisé ce mardi en collaboration avec l'association Nabariza, atelier d'information sur la mise en exécution de la mesure de grâce présidentielle. Et la pluviométrie saisonnière pour le mois de mars, avril et mai, correspondant à la saison culturelle B, sera normale à tendance excédentaire sur la grande partie du pays. Précision du directeur hydrométéo à l'Institut géographique du Burundi, IGEBU. Ce mardi, lors de l'évaluation de la saison culturelle 2019 A et la présentation de la note météorologique 2019 B. Radio Isanganiro, chronique santé. La jaunisse est une maladie des nouveau-nés qui se manifeste par une coloration jaune au niveau des yeux et du corps. Le pédiatre Jiden Inhunze explique qu'à part ces signes visibles, existent des examens pour diagnostiquer cette maladie. Docteur Inhunze explique toutefois que la jaunisse peut être traitée, mais qu'elle peut entraîner d'énormes conséquences si une fois le nouveau-né n'est pas suivi comme il faut orner la mucho. Nous avons parlé dans la chronique précédente que la jaunisse s'observe chez le nouveau-né avant 24 heures ou 2 jours après la naissance et rend la peau et le blanc des yeux des bébés jaunâtres. D'autres examens peuvent se faire selon le pédiatre Egide Nounounze pour mesurer la quantité de la jaunisse dans le corps du bébé. Lorsqu'on fait les différents examens, les examens du sang, échographie abdominale, ainsi de suite, tout ça, ça permet donc de chercher la cause de cette jaunisse puis et pouvoir traiter en fonction de cette cause-là. Selon toujours ce pédiatre, le freinage du développement psychomoteur de l'enfant est la principale conséquence qui peut s'observer chez l'enfant au moment où la jaunisse n'a pas été bien traitée. La jaunisse, lorsqu'elle est prise en charge rapidement et de manière efficace, est guérie pratiquement tous les jours. Mais lorsque la prise en charge n'a pas été efficace, la plus grande conséquence est ce pigment jaune qu'on appelle bilirubine va imprégner le cerveau et puis ça va freiner énormément le développement développement psychomoteur de l'enfant, que vous allez vous retrouver devant un enfant qui ne grandit pas normalement, qui ne tient pas la tête comme les autres enfants à 3 mois, qui ne tient pas assis, qui ne marche pas. Tant un enfant de développement est pratiquement arrêté, puis un enfant de développement est arrêté, cela va avoir des répercussions sur toute la vie de la famille. La consultation prénatale est le moyen de prévention contre la jaunisse chez le bébé, comme l'explique toujours Dr Ninunze. La prévention, c'est le suivi de la grossesse avant l'accouchement, dans ce qu'on appelle les consultations prénatales. Puisque chaque maman fait une consultation prénatale de manière correcte, c'est à ce moment-là qu'on va détecter tout ce qu'on appelle les grossesses à risque. Pendant cette période-là, on va faire des examens à la maman, et puis lorsqu'on fait des examens, on va voir les problèmes qu'elle a. Puis si on détecte les problèmes que la maman présente, à ce moment-là, on peut voir ce qui va survenir chez l'enfant. On peut faire une prévention avant même la naissance de l'enfant. Donc c'est pourquoi les consultations prénatales sont très très très importantes pour l'avenir, non seulement de la mère, mais aussi de l'enfant qui va naître. Le pédiatre Egide Ninunze indique que la jaunisse est un symptôme et non une maladie et qu'elle n'est donc pas contagieuse. Elle peut cependant être causée par l'incompatibilité du sang de l'enfant et de la mère. Merci Ornella Mucho et c'est par cette chronique que nous allons mettre fin à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eriko Imana pour la mise en onde. Eli Nibel Nibigil acheté à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit, vous êtes à table. Au revoir.